Allez, rebonjour à tous, on est toujours ensemble dans le carnet des plaines jusqu'à midi. Et pour ce jeudi 5 mars 2026, on va se promener, on a parlé d'Arcy hier et de Fère Champenoise, et on repart d'Arcy, on reprend la route, Amrus, Pinet, on remonte tout doucement à Brienne, le château. Et pour ce jeudi, je vous propose une sortie nature et patrimoine, une balade dans Brienne, le château. Dans les rues anciennes, vous y découvrirez l'église, les paysages ouverts de la plaine. Vous avez de belles promenades agréables pour profiter d'un moment calme et ressourçant. Alors, bien sûr, c'est une sortie gratuite, hein, c'est logique. Et n'hésitez pas à vous faire plaisir à Brienne-le-Château. Voilà, il y a pas mal d'animations. C'est une commune assez vivante également. Voilà, sur les plaines, en bout de plaine. Vous avez les lacs, hein, pas très loin, bien sûr. Vous avez tout ce qu'il vous faut. N'hésitez pas à vous promener. C'est Loïc avec vous jusqu'à midi. Vous êtes dans le carnet des plaines. Je vous souhaite un excellent jeudi 5 mars 2026.